Je m'appelle Jean-Charles Dupont, je suis keblo dans ma matrice. À l'école j'étais le faillot de la maîtresse. Conditionné par les valeurs de mes parents, je suis passé à côté de toutes ces choses importantes. J'ai grandi comme de mes parents le portrait. Depuis tout petit on m'a dit que j'étais parfait. Mais mon seul collègue est ma colère à l'école. Puis au collège jamais collé, toujours conné par des connards. Mon seul réconfort est de penser qu'un jour peut-être ils se perdront dans la galère où j'ai passé mon enfance à bout de terre. Seule ma solitude, mais solitaire, je vais finir solo sur un bout de terre. Ma vie s'est coulée, je sais plus où donner de la tête, j'ai la vision. Trouble, mon bonheur est à milieu d'ici. Je n'ai pas la force et mon esprit se dissipe. Fais ce rêve qui berce mes nuits. Où je crie, crie, crie dans la foule silencieuse. À genoux désemparés, et je prie, prie, prie qu'on me vienne en aide. Et je prie, prie, prie qu'on me tende l'oreille. Mais je crie. Me voilà majeur inconscient, paraît que c'est normal. Je m'en bats les couilles, ma vie est banale. Je suis riche, n'ai jamais vécu de drame. Et pourtant chaque soir sans raison je me mets la balle. Je me dis qu'y'a la misère sur terre, mais ça m'aide pas. Je suis en constante embrouille avec les remparts. Parce que je rentre tard, des fois je hais la vie, je me rends pas compte de la chance que j'ai, je peux pas. Je sais pas trop pourquoi mais je cherche pas à comprendre. Je me remettrai en question plus tard, là je me détends. La substance m'accompagne et cherche à tout me prendre. Jusqu'au moment où j'appuierai sur la détente. Ne me raisonne pas, solitaire, je me parle déjà à moi-même. Je n'ai plus de famille, jamais d'amis. Allez, ça y est, salut, j'emporterai dans l'au-delà tous mes problèmes. Ma vie s'est coulée, j'ai plus où donner de la tête, j'ai la vision trouble. Mon bonheur est à milieu d'ici. Je n'ai pas la force et mon esprit se dissipe. Mais ce rêve qui berce mes nuits. Oh, je crie, crie, crie dans la foule silencieuse. À genoux désemparés, et je prie, prie, prie qu'on me vienne en aide. Venez-moi en aide. Qu'on me vienne en aide. Et je prie, prie, prie qu'on me tende l'oreille. Tendez-moi l'oreille. Prie, prie, prie qu'on me tende l'oreille. Mais je crie, crie, crie. La mort, je la vois du bout de mes 10 doigts. Mais dis-moi, que dire à mon miroir? Je ne m'entends plus avec moi-même. C'est impossible de rester soi-même. Comment veux-tu voler de tes propres ailes? Rester zen quand t'es seul et sans amis, que personne ne te dit je t'aime. Je suis perdu, têtu, et mon esprit sait-tu ce que c'est que de souiller les sillons de son crâne, à soulever de sales questions sans qu'aucune réponse ne te percute, ni même toi t'aperçu, hein. Triste vécu, triste vécu, dans le drame et la solitude, hein. Je n'ai trouvé que les grammes, mais oui ça l'issue. Ma vie s'est coulée, j'ai plus où donner la tête, j'ai la vision trouble. Mon bonheur est à milieu d'ici. Pas la pensée, mon esprit se dissipe. Mais ce rêve qui berce mes nuits. Où je crie, crie, crie dans la foule silencieuse. À genoux désemparés, et je prie, prie, prie qu'on me vienne en aide. Qu'on me vienne en aide. Un jour et je prie, là. Prie, prie qu'on me tende l'oreille. Prie, prie, prie qu'on me tende l'oreille. Venez, venez. Mais je crie. Je fabule sur une histoire, mais ça arrive tous les jours, poto. C'est bien de faire les pieux défenseurs, faut accueillir les gens. Ok, je suis d'accord, faut ouvrir nos frontières, mais ouvrez déjà les vôtres, hein. Sur ce, j'ai toujours bien été entouré. À tous mes proches, heureusement que vous êtes là, je vous aime.